À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyr, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait en même temps être la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture, et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Pourquoi parler d'une joie délirante ? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paye que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui vous rendent injustes à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples, après leur avoir dit que les enfants de ténèbres sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Enfants de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations, étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste. Alors je m'en suis servi à me faire des amis. Me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie, lorsqu'il osa lui demander son double esprit, je me suis présenté devant les anges et les saints, et je leur ai dit « Je suis la plus petite des créatures, je connais ma misère et ma faiblesse, mais je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie de m'adopter pour enfant. À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir. Mais daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais. Cependant, j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Jésus, je ne puis approfondir ma demande. Je craindrais de me trouver accablé sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône, qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes pour leur faire plaisir. Ils font des folies, Ils vont même jusqu'à la faiblesse. Eh bien, moi je suis l'enfant de l'Église. Et l'Église est reine puisqu'elle est ton épouse, ô divin roi des rois. Ce ne sont pas les richesses et la gloire, même la gloire du ciel, que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères, les anges et les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Il ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang. Mais qu'importe, ses frères travaillent à sa place. Et lui, petit enfant, il se tient debout. Il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. Mais comment témoignera-t-il son amour, puisque l'amour se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal. Il chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs. C'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi, je jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une sans l'effeuiller pour toi. Puis, en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai, même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines. Et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien! Cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces riens te feront plaisir, ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour. Et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette Église du ciel voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs. Ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie, elle les jettera sur l'Église souffrante, afin d'en éteindre les flammes. Elle les jettera sur l'Église combattante, afin de lui faire remporter la victoire. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Mais le pur amour est-il bien dans mon cœur? Mes immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en est ainsi, Jésus, éclaire-moi, tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître. Car ces désirs sont pour moi le plus grand des martyrs. Cependant, je le sens, ô Jésus, après avoir aspiré vers les régions les plus élevées de l'amour, s'il me faut ne pas les atteindre un jour, j'aurai goûté plus de douceur dans mon martyr, dans ma folie, que j'en goûterai au sein des joies de la patrie. À moins que par un miracle, tu ne m'enlèves le souvenir de mes espérances terrestres. Alors laisse-moi jouir pendant mon exil des délices de l'amour. Laisse-moi savourer les douces amertumes de mon martyr. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité Sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non! Le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais et tu le sais aussi. Souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous le rayon du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver. Puis, rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît. Alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il confie. Il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Si l'astre adoré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transie de froid et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré lui ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas. Son petit cœur reste en paix. Il recommence son office d'amour. Il invoque les anges et les saints, qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant, objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Les vautours, image des démons, le petit oiseau ne les craint pas. Il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'aigle qu'il contemple au centre du soleil d'amour. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, as voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière qui sera désormais ton séjour, c'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait des folies. Ils ont fait de grandes choses puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses. Et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour, avec les propres ailes de l'aigle divin. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau. Et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable? Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. La toute petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. 17 septembre. 1896. Réponse de Thérèse à une lettre de Marie. Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime ? Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. Ce sont, à vrai dire, les richesses spirituelles qui rendent injustes, lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne, et ces âmes sont nombreuses. Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, c'est une grâce de privilège. Rappelez-vous ces paroles du Père. Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. Oui, Jésus a dit « Mon Père, éloignez de moi ce calice ». Sœur chérie, comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour ? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ? N'êtes-vous pas prête à souffrir tout ce que le bon Dieu voudra ? Je sais bien que oui. Alors, si vous désirez sentir de la joie, avoir de l'attrait pour la souffrance, c'est votre consolation que vous cherchez. Puisque lorsqu'on aime une chose, la peine disparaît. Je vous assure que si nous allions ensemble aux martyrs dans les dispositions où nous sommes, vous auriez un grand mérite et moi je n'en aurais aucun, à moins qu'il ne plaise à Jésus de changer mes dispositions. Oh, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit. Mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver ? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice ? Puisque nous voyons la voie, courons ensemble. Oui, je le sens, Jésus veut nous faire les mêmes grâces. Il veut nous donner gratuitement son ciel. Oh, ma petite sœur chérie, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous êtes une trop grande âme. Ou plutôt, c'est que je m'explique mal, car je suis sûre que le bon Dieu ne vous donnerait pas le désir d'être possédé de lui, de son amour miséricordieux, s'il ne vous réservait cette faveur. Ou plutôt, il vous l'a déjà faite, puisque vous vous êtes livré à lui, puisque vous désirez être consumé par lui, et que jamais le bon Dieu ne donne de désir qu'il ne puisse réaliser. 9 heures sonnent. Je suis obligée de vous quitter. Ah, que je voudrais vous dire de choses, mais Jésus va vous faire sentir tout ce que je ne puis écrire. Je vous aime avec toute la tendresse de mon petit cœur d'enfant reconnaissant. Thérèse de l'Enfant Jésus. Fin du manuscrit B.